إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام, on continue inshallah ou ta'ala l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim des Sheikh Al-Allama Abdel Mohsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahullah ta'ala. On s'est arrêté à Surat As-Saff, et qui est le verset choisi par le Shir, qui est le verset 10 et également les versets suivants jusqu'à 13. Fayaqul Shir Hafizahullah ta'ala Qawluhu ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels roulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. يقول الشيخ في هذه الآية الحث على الاشتغال بالتجارة الأخرى وهي في الحقيقة التجارة الرابحة لدوام نفعها واستمرار ثوابها. Le shir nous dit que dans ces versets il y a l'incitation à s'occuper du commerce de l'au-delà, بتجارة الآخرة, de s'occuper du commerce de l'au-delà. Pourquoi nous dit le shir? Car c'est le véritable commerce, c'est-à-dire le commerce qui va véritablement nous apporter un intérêt. Pourquoi? Parce que cet intérêt, il va être continuel, et sa récompense va être permanente, continuelle et permanente. C'est-à-dire que lorsque tu as réussi dans ce commerce, alors sache que c'est un intérêt qui ne s'arrêtera jamais, et qu'une récompense qui sera permanente. C'est pour ça, comme il nous dit le shir, قال الله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Ça c'est في سورة فاطر, c'est le verset 29 et 30. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. Ceux qui récitent le livre d'Allah, accomplissent la prière, la salah, et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Ceux-là, ce sont ceux qui espèrent faire un commerce qui ne périra jamais. يَرْجُونَ تِجَارَ لَنْ تَبُورَ. Jamais il ne périra, jamais il ne s'arrêtera. Il sera continuel, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur rajoute sa grâce. Il est pardonneur et reconnaissant. وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ هَذِي التِّجَارَةِ بِأَنَّا مُنْجِيَةٌ مِنْ عَذَابِ الْأَلِيمِ. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous a caractérisé et a donné une caractéristique de ce commerce. Et quelle est cette caractéristique? C'est que ce commerce-là, il va nous sauver d'un châtiment douloureux. Wallah al-musta'an. Et bien entendu, lorsqu'on a parlé de tijara, lorsqu'on a parlé de commerce, alors il faut savoir que dans tout commerce, il y a un capital. Ra'sumalin, ça c'est le capital. Et il nous dit que le capital ici, dans ce commerce, c'est quoi? Il dit le shir. Ra'sumali hadhihi tijara wal iman billah wa rasulihi wa taqarrub ilayhi ta'ala bil a'mal as-salihah wa fi muqaddimati al-jihad fi sabilillah bin nafs wal mal. وأرباح هذه التجارة مغفرة الذنوب وإدخار الجنات والظفر بالنعيم فيها ومع هذا الثواب الأخروي يحصل في الدنيا النصر على الأعداء إذا قاتلهم المسلمون كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز. Et il nous dit le shir donc que ce capital c'est donc la croyance ou la foi en Allah Azza wa Jal et son prophète. La foi en Allah dans un premier temps et son prophète. Croire d'une véritable croyance en Allah Azza wa Jal, une croyance saine, et également avoir la foi en son prophète et avec tout ce qu'il est venu de la part d'Allah Azza wa Jal, et également se rapprocher d'Allah le Très-Haut avec les bonnes actions, les actions vertueuses, et à la tête de ces actions vertueuses al-jihad ou fi sabilillah, la guerre sainte dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, al-jihad ou fi sabilillah, et ceci par bin nafs, c'est-à-dire par sa propre personne, ou elle mêle, et par également ses biens. Et il nous dit quel va être le bénéfice. On a parlé de commerce, on a parlé de capital. Donc quel va être le bénéfice? Quels vont être les bénéfices? Wa arbahu, les saribh wahid, wa arbah. Et comme il est cité dans le verset, c'est le pardon des péchés. Le pardon des péchés, les péchés qu'on aura fait, Allah Azza wa Jal nous les pardonnera de par cela. Et également, il nous fera rentrer dans le paradis. Et on aura comme victoire an-na'im fiha, c'est-à-dire les délices qui se trouvent à l'intérieur de ce paradis. Ça, c'est par rapport, comme yaqul al-shir, al-thawab al-ukhrawi, c'est-à-dire la récompense qui se trouve dans l'au-delà. Et en plus de cette récompense, qu'est-ce qu'il va arriver ici dans cette vie d'ici-bas, comme nous le dit le shir, et en citant le verset, il va tout simplement advenir la victoire. La victoire va être donnée aux musulmans lorsqu'ils combattent leur ennemi. Ça, c'est également une promesse d'Allah Azza wa Jal. Lorsque les musulmans sont revenus réellement à leur religion, qu'ils auront cru et qu'ils auront eu foi d'une foi réelle et concrète en Allah Azza wa Jal et son prophète, qu'ils se sont rapprochés par les bonnes actions et par, bien entendu, à la tête de ces actions-là, comme on a dit, le djihad. Et ça, on a déjà parlé sur ce sujet-là. Qu'Allah Azza wa Jal ne donnera la victoire aux musulmans que lorsqu'ils reviendront à leur religion, lorsqu'ils s'accrochent à leur religion et lorsqu'ils feront les actions qui vont dans ce sens. Et c'est pour ça que dans le verset qu'on avait déjà expliqué, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. C'est-à-dire, comme on l'avait déjà expliqué ce terme là, c'est à dire appliquer les limites d'Allah Azza wa Jal, respecter les limites d'Allah Azza wa Jal, appliquer ce qui nous a obligés et s'écarter de ce qui nous a interdit. Si on fait cela, alors à ce moment là si les musulmans tous font cela, alors à ce moment là Allah Azza wa Jal nous donnera la victoire et il nous soutiendra et nous fera triompher et il raffermira nos pas. Et également dans l'autre verset qui nous a cité, qui va dans le même sens, ça c'est fi surat Muhammad, c'est le verset 7. Et dans le deuxième verset, fi surat al-Hajj, le pèlerinage, le verset 40, wala yansuranna Allahu man yansuruh, inna Allah laqawiyyun aziz. Allah soutient certes ceux qui soutiennent, entre parenthèses, sa religion, c'est-à-dire également le même terme ici, man yansuruh, man yansuruh, yani man yansurullah. Et comment on vient soutien, c'est-à-dire entre parenthèses la cause d'Allah Azza wa Jal, comment on soutient la cause d'Allah Azza wa Jal? C'est bien entendu comme on l'a expliqué en appliquant sa religion. Inna Allah laqawiyyun aziz. Et Allah Azza wa Jal est assurément fort et puissant. C'est-à-dire, s'il aurait voulu, Allah Azza wa Jal donne la victoire. Mais il ne donnera la victoire que si on remplit nous cette condition. Donc, c'est notre devoir à nous pour recevoir cette récompense dans l'au-delà et également ce bienfait et cette victoire dans l'ici-bas. Ensuite, il nous dit, le shir, que dans les différents versets qui sont venus, et nombreux sont-ils, dans les versets du Coran, qu'à chaque fois qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, il a cité al-jihad, et bien sûr, il a cité le jihad de par, comme on a dit, bin nafs wal-mal, c'est-à-dire de par la propre personne, et de par les biens, il a toujours mis en avant ces deux termes, c'est-à-dire al-mal wal-nafs, il l'a mis en avant par rapport à la phrase fi sabilillah, dans le chemin d'Allah. Il l'a fi thalathati mawadi', sauf dans trois passages du Coran. C'est-à-dire dans trois passages du Coran, Allah Azza wa Jalla va d'abord citer le terme ou les termes ou la phrase fi sabilillah, et ensuite il va citer al-mal wal-nafs. Donc on voit ici dans notre verset qu'il est d'abord cité fi sabilillah. Et ça, c'est bien sûr un des passages qui se trouve dans le Coran, sachant qu'il y en a trois. Donc ça, c'est un des trois. On voit bien qu'ici, qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. Et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. Ici, bien sûr, ils ont fait apparaître au niveau de la traduction dans le chemin d'Allah après. Sinon, traduction textuelle, c'est vous combattez dans le chemin d'Allah par vos biens et vos personnes. C'est ça exactement la traduction du verset. Et on voit ici qu'ils l'ont placé après. Ils l'ont placé en fait comme cela advient de manière habituelle dans le Coran. Et on voit bien ici que non. Pourquoi ? Parce qu'on relit le verset en arabe, وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, et ensuite il dit بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, combattez dans le chemin d'Allah par vos biens et par vos propres personnes. Par vos personnes. Taïb. Donc ça, c'est un des endroits ou un des passages du Coran où le terme, ou les termes, la phrase fi sabilillah a été placée dans un premier temps, et qu'ensuite est venue la citation du terme al-mal wal-nafs, et en l'occurrence ici bi amwalikum wa anfusikum. Et un autre verset, il y a le deuxième passage, c'est le suivant qui fait surat al-Nisa, la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darar wal-mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Donc ici neuf sujets. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Donc dans ce verset là également on voit, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux, sauf ceux qui ont quelques infirmités, et ceux qui luttent dans le sanctuaire d'Allah par leur corps et leurs biens, par leur corps et leurs biens. Donc on voit également ici, dans la traduction ça n'apparaît pas, mais sinon dans le texte ou dans le verset en lui-même, wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Donc ici fi sabilillah, ça a été placé avant. Et ensuite le troisième et le dernier, donc fi surat at-tawba au verset 20, qala Allah azza wa jalla alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim أعظم درجات عند الله وأولئك هم الفائزون. Donc ça c'est surat at-Tawbah. Et également ici on voit qu'Allah Azza wa Jalla dans un premier temps il a dit fi sabilillah, et ensuite il a dit bi amwalihim wa anfusihim. Donc quddima fi sabilillah ala bi amwalihim wa anfusihim. Également ici pareil. Ceux qui ont cru, qui ont émigré, qui ont lutté dans le sentier d'Allah par leurs biens et leurs personnes, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Donc ici, encore une fois, dans la traduction, ils n'ont pas fait apparaître ceci. C'est-à-dire que le terme « fi sabilillah » a été dit et placé dans le verset avant « bi amwalihim wa anfusihim ». Et le shir n'a pas en fait rappelé de sagesse dans cela. C'est-à-dire pourquoi dans ces trois versets, le terme « fi sabilillah » a été placé en premier, le shir, et passer ensuite à la prochaine surat, et qui est surat al-Munafiqun. Le shir il prend comme passage en surat al-Munafiqun le verset 9 jusqu'au verset 11. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله Oh, vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ Et dépensez ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. فَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans le verset précédent, le Shiri nous avait dit que dans les versets qu'on avait vus, Al-Hathu ala l'ishtiral bitijaratil akhira, c'est-à-dire l'incitation dans ces versets de nous occuper d'un commerce ou du commerce de l'au-delà. Et ici il nous dit Naha Allahu al-mu'minin an al-ishtirali bid-dunya wal-iftitani bima fiha min malin wa waladin. Il nous dit ici qu'Allah Azza wa Jalla dans ces versets nous a interdit de nous occuper de cette vie d'ici-bas pour ce qui contient comme iftitan, c'est-à-dire comme tentation et autres qui se trouvent dans al-mal wal-walad, c'est-à-dire qui se trouvent dans les biens et dans l'enfant ou les enfants de manière générale. Et ça dans le cas où ça va nous éloigner, nous distraire du rappel d'Allah. Comment on va comprendre le terme ici, an dhikrillah? Qu'est-ce que le terme ici, qu'est-ce que traduit ce terme? Qu'est-ce que veut dire ce terme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit an dhikrillah, dhikrillah? Qu'est-ce qu'il veut dire? Donc c'est la réponse du shirk. Il dit wa huwa kullu ma huwa ta'atun lillah, kullu ma huwa ta'atun lillah azza wa jalla. Wa akhbara anna man fa'ala dhalika yakun khasira. Donc tout ce qui rentre dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, tout ce qui rentre dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla, ça rentre ici dans ce verset, dans dhikrillah, dans le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Et après, donc il nous est interdit de nous occuper de cette dunya au point, c'est-à-dire avec ce qu'elle contient comme bien et enfant, au point où elle va nous distraire donc de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla, alors ensuite il nous a obligés. ثم أمرهم ببذل الأموال في طاعته تعالى والإنفاق في سبيله. Et donc il nous a obligé, Allah Azza wa Jalla nous a ordonné donc de dépenser les biens dans son obéissance, dans son sentier, subhanahu wa ta'ala. Et cela avant, bien sûr, que vienne le terme qui est destiné à chaque âme, comme cela est précisé dans le Coran. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, au moment où vient donc ce terme, au moment où vient la mort, il dit le shir, tarkhus 'indahu ad-dunya 'ala ahliha. À ce moment-là, au moment où elle vient la mort, au moment où la personne n'espère plus rien de la vie, lorsqu'elle est face à la mort, alors à ce moment-là, la dunya, elle devient d'un vil prix, elle devient un bas prix. Sa valeur devient insignifiante auprès de cette personne à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il va nous rappeler dans ce sens un hadith authentique qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, hadith d'Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, قال جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ, ô prophète d'Allah, أَيُّ صَدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا, quelle est la sadaqa, l'aumône qui va avoir le plus grand, la plus grande des récompenses? فقال, qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallam? قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان وقد كان لفلان. طيب, donc qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallam à cette question de ce sahabi? Il lui a dit que tu dépenses, c'est-à-dire que tu fasses l'aumône alors que tu es dans un bon état, c'est-à-dire que tu es sain, sahih, en bon état, loin de toute maladie. Shahihun, c'est-à-dire que tu es également en état shahihun, c'est-à-dire avare, takhsha al-faqr, et que tu as peur de la pauvreté. Wa ta'mulu al-ghina, wa ta'mulu al-ghina, c'est-à-dire tatma'u bi ou tatma'u fi, c'est-à-dire que tu espères la richesse, tu espères encore la richesse. Wa la tumhil hatta idha balagat al-hulqum, et tu ne délaisses pas cela, c'est-à-dire cette sadaqa, jusqu'au moment où va atteindre, bien sûr entre parenthèses, l'âme, le gosier, c'est-à-dire au moment où l'âme va sortir de ton corps et au moment où la mort te viendra, c'est-à-dire bien sûr idha balagat ar-ruh, l'âme, al-hulqum, qui est bien sûr le gosier, c'est-à-dire au moment où elle va se rapprocher, au moment où la mort va se rapprocher. Ici le prophète sallam utilise cette expression pour le dire au moment où la mort va se rapprocher, comme l'exemple d'une personne qui se trouve sur le lit de la mort, c'est-à-dire une maladie qui ne peut guérir, et donc il sait que son avenir va se terminer dans la plupart des cas, et donc c'est à ce moment-là où certaines personnes, l'argent qu'ils ont, ils commencent à dépenser fi sabilillah. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là la dunya ne vaut plus rien pour eux, c'est fini, ils vont la quitter. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut distribuer, comme ici c'est cité dans le verset. Et c'est pour ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité toutes ces caractéristiques, que tu sois en bonne santé, c'est-à-dire la meilleure des sadaqas, la meilleure des aumônes, celle qui engendre la plus grande des récompenses, c'est au moment où tu te trouves dans le meilleur des états. Et également shahir, c'est-à-dire que la personne, bien sûr, yani, lorsqu'on dit shahir, c'est encore plus, qui vient du terme ash-shuh, a'am min al-bukhr. A'am min al-bukhr, c'est-à-dire que shuh, a'am min al-bukhr. Ash-shuh, c'est plus général. Mais ce sont des termes qu'on va tous traduire par la personne qui est avare. On dit shahir, on dit bakhil. Mais entre ces termes, bien sûr, au niveau de la langue arabe, il y a des différences. Naam, l'avarice, être avare, c'est-à-dire l'avarice. Naam, c'est-à-dire donc ash-shuh. Wal-bukh, l'avarice. Et donc, certains savants disent la différence qu'il y a entre les deux, c'est que, comme par exemple, ash-shuh, c'est sifatun lazima, c'est-à-dire là où la personne, c'est-à-dire tabra, c'est-à-dire là où la personne, elle est caractérisée comme cela, comme étant avare. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne-là va faire un grand jihad, sachant que la personne, de par ses caractéristiques, elle est avare, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas distribuer ou qu'elle n'aime pas donner. Alors elle le fait, au moment où elle le fait pour Allah Azzawajal. C'est-à-dire qu'elle fait un djihad sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle fait un effort sur elle-même et elle va donner cet argent-là. Et bien sûr, cet argent-là, pour la personne qui est dans cet état-là et qui a une caractéristique comme telle, qui a, comme on pourrait dire, une mentalité de cette sorte-là, alors il faut savoir que cette sadaqa a une grande valeur. Parce qu'elle l'a fait par djihad, elle l'a fait par un grand djihad, c'est-à-dire elle l'a fait par un grand effort sur soi-même. Djihad al-nafs. C'est pour ça que le prophète Sallam dit ici, sahihun. C'est-à-dire, et également que tu as peur de la pauvreté, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une situation où tu es loin de la pauvreté, c'est-à-dire que du jour au lendemain il peut t'arriver la pauvreté, c'est-à-dire que tu n'es pas riche, très riche, et tu espères devenir riche, au contraire tu espères devenir riche. Donc c'est dans cet état-là et dans cette situation que la sadaqa est la meilleure. Ensuite le cheikh va nous parler également de l'espérance des kuffars. Ça c'est pour l'espérance de ceux qui sont musulmans, c'est-à-dire par rapport à ceux qui espèrent, yani ceux qui sont croyants musulmans, ceux qui espèrent qu'au moment de la mort leur vienne, qu'on leur donne un temps supplémentaire, afin, comme c'est dans le verset, afin qu'ils donnent de l'argent, c'est-à-dire qu'ils dépensent dans le chemin d'Allah Azzawajal, et afin également qu'ils fassent de bonnes actions. Et pour ce qui est des kuffars, ça c'est pour les croyants, et pour ce qui est des kuffars, les kuffars eux aussi, ils ont une espérance au moment où la mort leur vient. C'est pour ça qu'il dit, le shir, « وَأَمَّ تَمَنِّي الْكُفَّارِ تَأْخِيرَ الْأَجَلِ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ » C'est-à-dire qu'il a parlé également d'Allah Azzawajal 2 dans le Coran, pour ce qui est de leur espoir au moment où le terme fixé advient. « وَيَقُولَ اللَّهُ Azzawajal يَقُولَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمِ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وقال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Ça c'est fait surat al-Mu'minun, le dernier verset. Donc dans le premier verset, il avertit les gens du jour où le châtiment les atteindra. Et ceux qui auront été injustes, ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. Donc ça c'est pour les koufars, ceux qui n'ont pas répondu à l'appel des messagers. Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai. Nous répondrons à ce moment-là donc, nous répondrons à l'appel. C'est-à-dire à l'appel des envoyés. À ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? Ça c'est pour le premier verset. Et ensuite le deuxième verset, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir, c'est-à-dire sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc ça c'est pour ce qui est des koufars. Et auparavant, le verset d'avant, il nous dit le shirk, comme fi qawlillah azza wa jall, wa la yu'akhiru Allahu nafsan idha jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Et ce qui avant, c'était donc ici dans le cas de ceux qui sont croyants et qui veulent faire des bonnes actions. Il a parlé des croyants. Il a parlé, il nous a rappelé également l'état des kuffar. Et donc après cela, il va nous parler le shirk de l'état al-munafiqun, les hypocrites, car ce sont les trois caractéristiques ou les trois catégories de personnes par rapport à la foi qui ont été cités dans le Coran, le croyant, le mécréant et l'hypocrite. Il nous dit qu'Allah Azzawajal a rappelé dans son Coran qu'ils étaient distraits, bien sûr, en dhikrillah. Ils étaient distraits, ces gens-là étaient distraits du rappel d'Allah Azzawajal, et bien sûr du rappel d'Allah Azzawajal, ta'a, c'est-à-dire l'obéissance. Et également, parmi leurs caractéristiques aux hypocrites, c'est qu'ils sont feignants au moment où on doit assister à la prière en groupe. Et également qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils ont qu'ils s'attachent grandement et fortement à toute cette dunya, tout ce qui se trouve dans cette dunya. Et c'est pour ça qu'ensuite, il nous cite ce verset, le shirk. Kama qala Allahu azza wa jalla anhum, wa idha qamu ila salati qamu kusala. C'est comme fi surat Nisa qui est verset 142. Ça c'est fi sifat al-munafiqin. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, pour la salah, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Donc on voit ici, ça c'est parmi leurs sifat. Et c'est pour ça également qu'il va nous rapporter un hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le shirk. Et qui est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari muslim, hadith également de Abi Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wallahi nafsi biyadi, c'est-à-dire il jure par Allah celui dont il détient son âme, laqad hamamtu an amura bi hatabin liyuhtaba thumma amura bis salati fayu'adhana laha thumma amura rajulan fayu'amma an-nas thumma ukhalifa ila rijalin فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرمات حسنة لشهد العشاء. طيب. Dans ce hadith qui nous est rapporté et qui nous rappelle également que cela est par rapport aux munafiqin, par rapport aux hypocrites. Car du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons savaient que ceux qui n'assistaient pas à la prière en groupe et ceux qui délaissaient la prière en groupe, ils faisaient partie des munafiqins. C'était min sifat al-munafiqin. Ils savaient que c'était donc parmi les attributs, les caractéristiques des munafiqins. Et c'est pour ça donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cette parole. Il a dit qu'il a eu l'intention de demander à quelqu'un, c'est-à-dire il a eu l'intention que l'on ramène du bois. Et bien sûr ce bois-là qu'on le mette autour des maisons de ceux qui ne font pas la prière ou qui ne prie pas en groupe. Et qu'ensuite, au moment où il fait ça, ou au moment où il a placé le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce bois, qu'il demande donc, ou qu'il donne l'ordre que l'on prie, c'est-à-dire qu'on appelle à la prière. Et qu'ensuite, à ce moment-là, qu'il ordonne une personne qu'il préside la prière, et que lui, thumma ukhalifa ila rijalin, que lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aille de lui-même vers des personnes, et qu'il brûle sur eux-mêmes là leur maison. C'est ce qu'il a eu l'intention de faire, c'est ce qu'il a eu l'intention de faire, le prophète sallam. Bien sûr, les savants ont plusieurs explications. Et ensuite il dit le prophète sallam, وَلَوْ يَعْلَمُ أَحَدُمْ, si un d'eux savait qu'il trouverait dans la mosquée, أَنَّوْ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا. Et nous cherchons nous expliquer ce qu'est l'arq, l'arq al-samin, wal-al-azm, alayhi baqiyatul am, c'est-à-dire un morceau d'os où il reste de la viande. Wal-azm alayhi baqiyatul lahm, ça c'est l'arq samin, et qui est bien sûr épaisse. Et également dans le hadith, donc s'il trouve cela, s'il trouve un os où il y a des restes de viande dessus, accrochés, et s'il trouve également mirmatain hasanatain, comme il nous dit le prophète sallam, wal mirmat yaqul ma bayna dhilf ash-shat min al-lahm, c'est-à-dire le sabot, dhilf c'est le sabot fendu d'un mouton ou d'une chèvre, min al-lahm, et qu'on trouve autour de cela, au-dessus de cela, de la viande. Ça aussi, s'il trouvait deux de ces choses-là, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il viendrait pour la prière du soir. La Shahid al-Aisha viendrait pour prier donc la prière du soir. Et on sait que parmi les prières les plus lourdes pour les munafiqoun, pour les hypocrites, ce sont bien sûr parmi ces prières-là la prière du Aisha, c'est-à-dire la prière du soir, la dernière des prières. Et c'est pour ça qu'il nous dit le shir, والمعنى أن المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة لو يعلم أحدهم أن في المزي شيئا من اللحم ولو كان شيئا يسيرا في وقت صلاة العشاء لشاهدوا العشاء لحصول على هذا اللحم لأن هم الدنيا وليس همهم الآخرة. Ce hadith là, le prophète sallam l'a dit par rapport aux hypocrites, car ils savaient que ce sont eux qui délaissent la prière en groupe. Et bien sûr, la personne Al-Faïda Fidalik, c'est-à-dire l'intérêt pour nous de savoir ces choses-là, c'est que pour ne pas ressembler aux hypocrites, alors il faut bien entendu ne pas délaisser la prière en jama'a. Pourquoi? Parce que ça fait partie des sifat al-munafiqin. Ça fait partie des caractéristiques des hypocrites. Et on sait bien que les gens qui avaient le plus peur de tomber dans ces caractéristiques, de tomber dans ces attributs, c'était les sahaba. Ils avaient une grande peur de tomber dans ces caractéristiques. C'est pour ça qu'ils faisaient tout en leur possible pour s'éloigner de ces caractéristiques. Et parmi donc ces caractéristiques, le fait de ne pas assister à la prière en groupe, salatul jama'a. Et c'est pour ça également, et comme il nous dit le shir, donc eux, ce qui les intéresse, c'est bien sûr la dunya, et ce n'est pas l'akhira, ce n'est pas l'au-delà. C'est pour ça que s'ils auraient trouvé quelque chose où il y a un peu de lahm, c'est-à-dire qu'il y a un peu de viande, alors ils auraient assisté. Et également il nous dit le shir, wa kana min hadi sallallahu alayhi wa sallam al-qira'a fi salat al-jum'a bi surata al-jum'a wal munafiqin. C'est-à-dire parmi la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et parmi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il lisait durant la prière du Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi, deux sourates, qui est sourate al-Jumu'ah ou al-Munafiqin, c'est-à-dire la sourate des hypocrites. Ça faisait partie de la sunna du prophète sallam, puis salat al-Jumu'ah, dans la prière du vendredi. Comme cela, bien sûr, est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, d'après Ibn Abbas. Et il nous dit que la sagesse de cela, il dit وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ إِشْتِمَ الْسُورَةِ الْجُمُعَةِ عَلَى شِيْءٍ مِنْ أَحْكَامِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ فَفِي قِرَاءَتِهَا تَنْبِيهٌ لِلْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَدْ يَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ إِلَى مَا فِيهَا مِنْ صِفَاتِ الذَّمِيمَةِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَفِيدُونَ مِنْ ذَلِكَ. Et donc, quelle est la sagesse dans cela? Pourquoi le prophète sallam il citait sourate al-Jumu'ah ou il citait sourate al-Munafiqin durant la prière du Jumu'ah? Parce que dans un premier temps, pour ce qui est de Salat al-Jumu'ah, Surat al-Jumu'ah, il y a certaines lois qui sont en relation avec justement la prière du Jumu'ah, la prière du vendredi. Taïb. Et la deuxième sagesse, et celle-là qui est en relation avec Surat al-Munafiqin, que le prophète sallam citait Surat, ou qui récitait Surat al-Munafiqin, il savait que pour ce qui est du Jumu'ah, al-Munafiqun, c'est-à-dire les hypocrites étaient présents. Et donc, ils citaient cette sourate afin qu'ils en profitent, c'est-à-dire qu'ils entendent et qu'ils se rappellent, ces hypocrites, leurs attributs, leurs mauvais attributs, et afin qu'ils profitent et qu'ils reviennent fil haqq, qu'ils reviennent dans la vérité. Et ensuite, dans le dernier verset du Coran qu'il va nous citer le Cheikh, c'est un verset où ici le contraire. Allah Azzawajal Afna, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal a fait l'éloge de ceux dont la dunya ne les distrait pas du rappel d'Allah Azzawajal, de l'obéissance à Allah Azzawajal. Il va nous citer plusieurs versets qui sont où le verset de 36 à 38, fi surat al-Nur, fayaqul al-shir, بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه ويسبح له ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dans les maisons, c'est-à-dire les mosquées, فِيبُيُوتِن, dans les mosquées, dans les maisons, qu'Allah a permis que l'on élève, où son nom est invoqué, le glorifiant elle matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour qu'ils ou pour ce qu'ils ont fait de bien. Et il leur ajoutera de sa grâce, Allah attribue à qui il veut sans compter. Taïb. Ensuite, il y a la prochaine surat. Il y a beaucoup de choses à dire dans la prochaine surat, Inch'Allah ou Ta'ala. Surtout qui est en relation avec un point très important de la croyance. Donc on laissera pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc on entamera un nouveau cours de pas. L'explication de ce verset, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.